À bientôt, à tout de suite. Nous sommes de retour sur Radio Zine avec Emma. Coucou. Oui. Et je vais vous donner du coup juste le programme du jour. Donc à 12h30, c'est-à-dire il y a 3 minutes, il y a le partage d'écoute de Radouane Ghazi Momneh qui vient de commencer dans le salon d'écoute là-haut, dont je vais ensuite vous mettre la diffusion là pour que vous puissiez écouter ce qui se passe en direct. Ensuite, à 16h, dans la salle des pas perdus, donc ici même, c'est-à-dire dans le main corridor, le couloir de Archipel, passé en présence de Léo Duplex et Mara Winter. À 17h, dans la salle de jeu, le duo Imminent, qui fait en fait un concert prévu pour les familles, enfin disons adapté aux familles. Ça fait partie de la série des concerts minuscules pour les 0-4 ans. Et à 20h, dans le salon d'écoute, donc là-haut, au premier étage de la maison communale, deux solos, un solo de Bint Mbaré et un autre solo de Radouane Ghazi Momneh, donc tous les deux qui seront demain matin au micro de Radio Zine. Voici. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais à demain. Je vais faire Et un en attendant fade le in, fade partage d'écoute pour vous, cher public, out. Chers auditeurs. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ah, alors attends, parce que... Ah, oui. Nous sommes encore à l'antenne? Oui, nous sommes encore à l'antenne parce que C'est une radio approximative. Non, pas du tout. Mais tout va bien. Mais aucun problème. Assumé. Bien sûr, c'est le plus important. C'est une turbine, radiosine. Non, mais ça arrive, voilà, c'est en Voilà, cours, c'est ça. Il suffisait ça de... t'arrive, ça t'arrive. Mais ça va pas mais je pourrais changer. tout à fait vous faire un petit cours de Dante et toutes ces technologies merveilleuses qui nous permettent dans un seul fil d'avoir tout ce qu'il se passe à l'étage. Allez, à toutes. Bye.